Deuxième partie de l'enregistrement. Vous êtes en contact avec le service des ressources humaines. Veuillez patienter un instant. Un agent va prendre votre appel. Nous vous signalons que pour les demandes de stage, vous devez adresser votre curriculum vitae avant le 15 mai au plus tard. Vous devez joindre une photo d'identité et une lettre manuscrite indiquant vos motivations. Veuillez patienter. Un agent va prendre votre appel.